bien. Archimo. Archiradio. Archido. Archicool. La radio du festival Archipel. Archichouette. En direct. De 10h à midi. Archinul. Sur Archipel. Archifort. Archigrand.org. Archi, bonjour. Bonjour la radio. Bonjour. J'espère que vous allez bien. On est plus ou moins à la moitié, voire on a dépassé la moitié des jours du festival Archipel. Hein. Donc on tient un bon rythme de croisière. Moi, je commence à fatiguer un petit peu à force de concerts et de rencontres. Enfin, il se passe quand même beaucoup, beaucoup de choses. Voilà, je ne sais pas, les autres autour de la table, comment vous vous sentez aujourd'hui? Oui, fatigué, mais aussi très stimulé par, comme tu dis, plein de choses qu'on peut voir au festival. Puis c'est vrai que cette année, on est plusieurs à la radio, donc on a l'arrivée d'Antoine Link qui nous aide beaucoup à se relayer, donc on a une vraie team. Et donc aujourd'hui, Vincent de Roguin vient d'arriver dans le studio de Archi Radio. C'est lui dont on va faire la grande interview aujourd'hui et il va nous parler de l'édition d'un coffret CD autour de l'œuvre du compositeur Costin Mérianou. Donc on en saura plus à ce sujet à 10h20 hein. Et puis à 11h25, hein, on aura la venue de Louis Laurin qui va venir, donc musicien qui jouait hier soir à 20h hein, dans la grande salle et qui, je crois, vient aujourd'hui nous parler de sa fabrication de Suze, n'est-ce pas? Alors, il va nous parler de sa musique aussi. Ils sont liés les deux activités. Oui, oui, souvent, alors, souvent. C'est un musicien au talent multiple. Mais est-ce qu'on va boire? C'est ça la vraie question. Alors on verra de quelle manière on peut partager ses talents et ses passions. On va boire ses mots et déguster sa suze. Voilà. Et puis, on peut passer maintenant à la capsule réalisée par Camille et Sonia. C'était hier à Archipel et je crois qu'hier, elles avaient quelque chose à nous dire. Voilà, c'est en collaboration avec le syndicat radiophonique du Festival Archipel, je crois. Archibrut. Archistagiaire. Archi pas cher. Archi pas payé. Archi exploité. Archi abusé. Archi paumé. Alors, moi, j'ai commencé parce que je voulais faire... en fait, j'utilise Audacity depuis mon enfance. Genre, mon père m'a appris à rip des MP3 de YouTube quand j'avais genre 11 ans avec Audacity. Et du coup, pendant mon master, je voulais tellement apprendre à faire des mashups. Et je suis nulle pour des trucs en live. Genre, j'ai fait un atelier de DJ et j'étais horrible. Enfin, je peux pas, genre, apprendre à faire des trucs en live. Et du coup, je me suis appris à faire ça dans Audacity, ce qui est de la merde, parce que Audacity, il n'y a pas de metronome. J'ai fait mes metronome tracks, genre, à la main, en faisant un truc par BPM, pour trouver les keys, les beatmatch et tout. C'est horrible. Et j'ai fait mon premier mashup dans Audacity. Et puis, genre, un mois plus tard, il y a un pote qui est là, d'ailleurs, qui m'a dit, non, mais il faut que tu utilises Reaper. J'étais en mode, tu utilises depuis longtemps, tu connais bien. Non, mais ouais, vas-y, utilise Reaper, c'est gratuit. Et du coup, au lieu d'apprendre genre Ableton ou Logic ou quelque chose qui ferait sens, qui serait un logiciel professionnel de mix et de whatever, j'ai appris Reaper. Et du coup, depuis, je fais tous mes mix illégaux où je rip du son et je fais des mashups dans Reaper. Et c'est fun parce que je pense que c'est un logiciel qui est assez facile à apprendre petit à petit. Genre, tu peux juste mettre des sons dedans et ça fonctionne. Et puis, petit à petit, j'ai découvert les plugins, j'ai découvert comment travailler les MIDI, comment faire des trucs, quoi. Et depuis, je fais tout dans Reaper. Et c'est beaucoup, beaucoup mieux comme interface que Audacity, qui est vraiment un truc de destructive edits, où dès que tu changes un truc, tu peux pas aller en arrière, t'appliques un effet. Tu connais ? Non. Ah, ok. Non, moi j'utilise Live Ableton. Et là, on m'a obligée à utiliser Reaper. Et c'était un peu... j'ai un peu galéré le premier jour. Je galère encore. Hein. Là, ça fait... Donc, c'était... vendredi dernier que je me suis mise, donc c'était le 31 mars, on va, voilà, donc 4-5 jours en arrière. Et y a plein de trucs qui ne sont pas si, comme on dit, fluides. Mm. Mais moi, j'utilise... Alors, je me suis peut-être habituée à Live Ableton. Alors, moi, par contre, je ne suis pas très montage. Je suis plutôt pour le live. Et je me rends compte que j'aime bien ce processus d'enregistrer des sons et les jouer en live. Et que je n'ai pas vraiment... cette capacité à faire du montage. Alors là, j'apprends vraiment à caler, à monter les sons et à que ça soit vraiment finalisé de cette manière. Et puis moi, j'ai vraiment un autre processus, c'est travailler mes sons un par un et puis après, c'est aller advienne que pourra, je me lance dans un live de musique. Et puis j'aime bien cette liberté du live et ce risque du live. En fait, je me sens plus libre. Du mouvement, en fait, j'ai l'impression que le son bouge plus, il y a plus de mouvement. Oui, mais c'est... La virtuosité d'Henri Peur. Nous avons rencontré la personne virtuose de Reaper ce soir. Bah, merci Camille, merci Sonia. Et je me dis que c'est peut-être l'occasion de parler un peu de votre travail à Archi Radio. Parce qu'on vous a pas encore beaucoup entendu, et puis on espère que dans les prochains jours vous serez plus sur le plateau avec nous. Donc salut Camille. Hein. Bonjour. Et voilà, est-ce que vous seriez d'accord de nous dire, l'une et l'autre, un peu, c'est quoi votre travail ici à la radio et comment ça se passe? Alors, ça se passe super bien. Je suis arrivée il y a quelques minutes. J'ai remarqué qu'il n'y a plus le transat. Le transat a disparu. Non, ok. Alors, ça va mieux. Alors, ça fait quelques jours qu'on est là avec Sonia. Et on réalise les capsules before tous les matins. Hier, c'était un peu plus compliqué. Donc, on s'est laissé un peu d'improvisation. Donc, voilà. Donc, comme Antoine disait, c'est un peu une sorte de forum audio qu'on a proposé pour ce matin. Et on est aussi chargé de faire un petit documentaire de 15 minutes. Ouais. Donc Sonia nous propose un documentaire aujourd'hui et j'en propose un demain sur Asmaranem. Et je me demandais si brièvement vous seriez d'accord de nous dire est-ce que vous, avant cette expérience à Archi Radio, vous avez déjà un rapport au son comme musicien, musicienne ou autre? En quelques mots? Alors ouais, je fais du son depuis une année et demie, donc plutôt une pratique live, un peu plus sur Ableton. Une pratique de field recording, de travail du son d'après des enregistrements, aussi une pratique du modulaire qui est assez récente. Et c'est en développement, du coup Archipel c'est super pour ça, pour venir découvrir un peu, pour s'inspirer, pour voir ce qui se fait, être un peu plus au clair avec le travail d'autres personnes. Et ouais, c'est ton évolution. Et alors, Sonia? Salut la radio, Archi Radio. Moi, j'ai une pratique du son depuis quelques années de manière très autodidacte. J'utilise aussi Live Ableton, donc je fais du sampling. J'utilise des synthétiseurs et des instruments qui sont liés au logiciel. Et j'ai aussi une pratique du field recording. Et donc, je mixe les deux ensemble. Bah, merci beaucoup. Donc, c'était Camille Lepage et Sonia Perrego qui font partie de la team Archi Radio. Voilà. À bientôt. À bientôt. Et je vous propose maintenant qu'on passe à l'écoute du son mystère. Voilà, donc c'est un son mystère proposé par Matteo Lutti. Merci beaucoup pour cette proposition. Donc vous pouvez nous appeler à 11h10 précise au 078 244 57 54. Alors, ce que vous ne voyez pas, c'est que Rudy a réussi à lire ce numéro de téléphone à l'envers, vu qu'il est derrière le numéro de téléphone qui est suspendu à notre parasol. Enfin, je ne sais pas si mon explication est claire, mais bravo Rudy, ouais, en tout cas. Merci de soulever l'exploit. Et du coup, bah maintenant, on va passer au document, enfin à la capsule Vincent de Roguin et Doris. Bah peut-être, vu que Vincent de Roguin himself est à la table, est-ce que, salut Vincent, est-ce que tu pourrais nous dire en deux mots de quoi parle la capsule d'aujourd'hui? J'introduis la capsule. Deux mots. Deux mots. Je sais pas, c'est sur Xenakis aujourd'hui? Non, c'est sur... Steve Reich, pardon. Ah oui, Xenakis s'est déjà fait. Il est un peu tôt pour moi, je me suis réveillé à 20 minutes. Alors, Steve Reich, ouais, voilà, c'est une capsule que j'ai faite avec Doris autour du compositeur Steve Reich et un peu des questions adjacentes à la pratique de Steve Reich et au minimalisme au sens général. Bonne écoute. Vincent de Roguin, les livres qu'il trouve bien.